J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable. Le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Journal de l'Empire, 17 décembre 1805. Le 11 frimaire, le jour parut enfin. Le soleil se leva radieux, et cet anniversaire du couronnement de l'empereur, où allait se passer un des plus beaux faits d'armes du siècle, fut une des plus belles journées de l'automne. Cette bataille, que les soldats s'obstinent à appeler la journée des trois empereurs, que d'autres appellent la journée de l'anniversaire, et que l'empereur a nommée la bataille d'Austerlitz, sera à jamais mémorable dans les fastes de la grande nation. L'empereur, entouré de tous les maréchaux, attendait pour donner ses derniers ordres que l'horizon fût bien éclairci. Au premier rayon du soleil, les ordres furent donnés et chaque maréchal rejoignit son corps au grand galop. L'empereur dit, en passant sur le front de bandière de plusieurs régiments, « Soldats, il faut finir cette campagne par un coup de tonnerre qui confonde l'orgueil de nos ennemis. » Et aussitôt, les chapeaux au bout des baïonnettes et des cris de « Vive l'empereur !» furent le véritable signal du combat. L'armée française, quoique nombreuse et belle, était moins nombreuse que l'armée ennemie, qui était forte de 105 000 hommes, dont 80 000 Russes et 25 000 Autrichiens. La moitié de cette armée est détruite. Le reste a été mis en déroute complète, et la plus grande partie a jeté ses armes. Cette journée coûtera des larmes de sang à Saint-Pétersbourg. Puisse-t-elle y faire rejeter avec indignation l'or de l'Angleterre ? Et puisse ce jeune prince, que tant de vertus appelait à être le père de ses sujets, s'arracher à l'influence de ses 30 freluquets, et dont les impertinences obscurcissent ses intentions, lui font perdre l'amour de ses soldats et le jettent dans les opérations les plus erronées. La nature, en le douant de ses grandes qualités, l'avait appelé à être le consolateur de l'Europe. Des conseils perfides, en le rendant l'auxiliaire de l'Angleterre, le placeront dans l'histoire au rang des hommes qui, en perpétuant la guerre sur le continent, auront consolidé la tyrannie britannique sur les mers et fait le malheur de notre génération. Si la France ne peut arriver à la paix qu'aux conditions que l'aide de camp Dolgorouki a proposées à l'empereur et que M. de Novosiltsov avait été chargé de porter, la Russie ne les obtiendrait pas, quand même son armée serait campée sur les hauteurs de Montmartre. Dans une relation plus détaillée de cette bataille, l'état-major fera connaître ce que chaque corps, chaque officier, chaque général ont fait pour illustrer le nom français et donner un témoignage de leur amour à leur empereur. Le 12, à la pointe du jour, le prince Jean de Liechtenstein, commandant l'armée autrichienne, est venu trouver l'empereur à son quartier général, établi dans une grange. Il en a eu une longue audience. Cependant, nous poursuivons nos succès. L'ennemi s'est retiré sur le chemin d'Austerlitz, à Göding. Dans cette retraite, il prête le flanc. L'armée française est déjà sur ses derrières et le suit, l'épée dans les reins. Jamais champ de bataille ne fut plus horrible. Du milieu de lacs immenses, on entend encore les cris de milliers d'hommes qu'on ne peut secourir. Il faudra 3 jours pour que tous les blessés ennemis soient évacués. Le cœur saigne. Puisse tant de sang verser, puisse tant de malheurs retomber enfin sur les perfides insulaires qui en sont la cause. Puissent les lâches oligarques de Londres porter la peine de tant de maux.